cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-haut-richelieu.com. Ouais, attends. Chut. Silence. Il y a un navire. Non, oui, mais... ouais. Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaires sonores « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel. Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça? Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Allô les moons! Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM et comme vous le savez, maintenant je suis non-binaire et mes pronoms sont Sa Majesté, Votre Altesse, et comme j'ai pris un petit peu de poids pendant la quarantaine, vous pouvez aussi m'appeler Votre Grâce. Oh, c'est beau ça! Toujours dans l'ordre rose, moi c'est Charlie Morin et je me pose une question. D'ailleurs, sujet de maîtrise gratis, vous pouvez l'apprendre si vous voulez, mais je me demande si l'émission Cornemuse au Québec a donné lieu à plus de furry maintenant qui font partie de cette belle et grande communauté. Et si le grand frère de Bagou a été ton éveil sexuel, s'il te plaît, j'ai envie de te parler. Ben, moi, Bagou, en tout cas, moi, je me crosse encore en y pensant. Girl. Mais je suis juste comme, est-ce que ça a trigger quelque chose chez des gens? Tu sais, c'est tellement weird quand tu le re-regardes maintenant, puis je comprends que c'est pas exactement furry, parce que c'est plus du make-up et des affaires, mais comme, est-ce que ça feed in dans cette fantasy-là? C'est furry with a lot of dedication. Oui, c'est ça. C'est quand même plus facile d'acheter juste la tête de mascotte que genre de se faire le style de make-up à Cornemuse. Ceci étant dit, if that's what floats your boat, I just want to talk. Genre, I'm not into kink shaming. I just want to know. nos DM sont ouverts. Nos DM sont ouverts. Les moons, on veut savoir est-ce que c'est ça qui a trigger ou qui a créé ce kink. On attend la réponse. Donc, Jess, en cette semaine de Pride, comment ça va? Écoute, ça n'a jamais si bien été. Hein? On a la plus belle Pride ever. Pire Pride de merde, calice, chez nous, même pas pouvoir être genre our most gay self out in the streets. Là, vous le voyez pas parce que c'est un podcast, mais ma barbe est rose en ce moment. Je l'éteinte pour pouvoir être sur Zoom pendant la Pride puis que les gens la voient. Yes, dedication, we love that. Voilà, puis je pense que par contre, c'est la première année sans scandale politique avec la Pride. That's comme quoi, le meilleur moyen de pas avoir un scandale politique avec la Pride, c'est qu'il y ait... Pride. But Pride. No, we can do better, please, s'il vous plaît. Non, mais perversité donc, existe quand même cette année, faut pas oublier ça. Yes, perversité, faut pas oublier. Là, il est trop tard, mais au moment où on enregistre sur ton appel de projet, il y a des choses qui se passent. Yes, ok, parfait. Fait que we're bien heureuse, au moins on a ça. Bon, voilà. De quoi on parle cette semaine, Charlie? Spéciale fierté, ben, là. En cette semaine de Pride, spéciale fierté, aujourd'hui, on décalisse la porte du placard à grands coups de hache, comme Jack Nicholson dans Shining, pour vous sortir de là et vous parler de coming out. Oh my God, ok, je pensais vraiment pas qu'on allait passer par The Shining ici. Alors, on veut savoir hein, d'où est-ce que ça vient, ça, le terme coming out. C'est quoi la métaphore du placard? C'est quoi leur importance dans le mouvement gay, LGBTQIA2+, etc.? On va aussi parler des complexités politiques du coming out, de comment que c'est toujours beaucoup d'ouvrages, et bien entendu, un petit peu de celebrity gossip, parce que on n'en aura jamais assez. Puis nos petits témoignages, nos petits témoignages de coming out, on va vous le dire comment qu'on a tué notre mère. Fait que on s'en va au café Le Placard sur l'avenue Mont-Royal, voir si Michel Louvain est toujours là, et on vous revient. On veut caféiner. À tantôt. Ah oui, c'est bon, mon gag de Michel Louvain. Oui. Ça fait que Michel Louvain était enfin sorti du placard. Incroyable, mais vrai. Puis la bouche en bleu qui nous a servi nos cafés était bien, bien fine. Assez fine, là. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux. OK, j'arrête. Je suis en train de te voler ta personnalité. Oui, c'est ça. J'étais comme, maintenant, c'est Jess qui burst into song. Moi, pour vrai, je te jure, j'aurais été de dos, là, je me serais retourné pour poser sur un piton imaginaire. Ah! Je t'aurais pris dans mon équipe. Merci. Dans ma tête, t'es garou. Yes! Fait que parler de coming out puis référer au placard, c'est rendu du vocabulaire courant. Tellement ouais. courant que même les straight comprennent. Quand c'est rendu que les straight comprennent, c'est que c'est out there. Je pense que ça veut dire que c'est mainstream, ouais. C'est ça, mais d'où ça vient, ces expressions-là? Bon, faut savoir que, on vient de le dire, là, les straights n'ont pas toujours compris d'où ça venait, cette expression-là. Dans les années 50-60... Les straights n'ont pas toujours compris, au cas où vous vous demandiez. A fallu le leur apprendre, comme à peu près tout le reste. Donc, c'est ça. Dans les années 50-60, l'expression « faire son coming out » aux États-Unis, c'était beaucoup plus entendu comme... se présenter à la communauté homosexuelle de la même façon que à l'époque de l'aristocratie, faire son coming out, c'était quand les jeunes damoiselles, pour la première fois, allaient se montrer dans un bal pour se montrer disponibles au mariage. Pour vrai, je trouve que c'est tellement une métaphore plus cute. Genre, ton coming out à la communauté, genre, t'es allé te présenter à d'autres personnes, t'as pris contact avec la communauté, t'as peut-être eu des petites escapades, puis ça, c'est ton coming out. Pas, t'as pas besoin d'être public, c'est juste comme t'es sorti de comment on peut dire ça, genre de ta solitude. De ta répression interne, t'es entré en contact, je trouve ça quand même nice. Genre. Ouais, c'était un peu comme le moment où t'allais chercher ta carte de gay membership. Yes, puis ça c'était prend tout un autre sens par rapport à maintenant. Puis ce que ça veut dire un coming out, ce qui est vraiment plus comme dire publiquement ton orientation sexuelle. Ouais. Puis par orientation sexuelle, on veut dire toute orientation qui n'est pas straight, parce que les straight n'ont pas à faire de coming out, parce que tout le monde se fait tenir pour acquis qu'on est straight. Oui, exactement. Peu importe oui. how fucking faggy you are. Oui, il y a du monde qui pense que je suis hétéro, peux-tu craindre? Moi, quand ça arrive que des gens tiennent pour acquis que je suis straight, je suis comme, what have I done wrong? Qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce qui se passe, là, pour que... Quand dans ma vie, ça s'est mis à dérailler, moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Puis sinon, quand on parle du placard, c'est directement tiré de l'expression « avoir des squelettes dans le placard », en fait. Ouais. C'est-à-dire avoir un lourd secret qui pourrait ruiner la réputation de quelqu'un. Puis l'expression était beaucoup plus utilisée encore dans les années 50-60 à l'intérieur de la communauté pour parler des gens qui sont « closeted ». Fait que c'était vraiment plus un adjectif, en fait. Donc ouais. « closeted » est dans le placard plutôt que de parler du placard comme un lieu précis. Puis c'est assez parlant aussi sur genre à quel point dans les années 50-60, genre... être homosexuel, ça pouvait genre fuck up ta vie si genre c'était ça éclatait au grand jour. Oui, ben c'est ça. Dans les années 50-60, on est dans les années d'après-guerre aux États-Unis. C'est moins vrai au Québec puis en Europe, mais aux États-Unis dans les années 50-60, on est en plein à l'époque on appelait ça le macartisme. C'était la chasse aux communistes et à peu près tout ce qui était variant de la norme en général. Là, mm-hmm. Je veux dire, si t'avais un piercing, t'étais communiste là. En même temps, moi, que nous autres, les homosexuels, on soit l'homme-tine avec les communistes, je suis comme, I can deal with that, c'est correct. Ah, je sais les cocos, I'd rather be with them. Ben oui, mais là, ça dépend quel coco, là. Ça dépend quel coco, mais bon, c'est ça. Des années 50-60, la répression des homosexuels était vraiment, vraiment, vraiment intense, quasiment plus intense qu'avant la guerre. Des fois, on a l'impression, hein, on a toujours des idées de progrès, puis on pense qu'on fait juste s'améliorer. Non, il y a des reculs, puis tout ça. Puis dans les années 50-60, là, on avait les lois anti-sodomie, tu pouvais perdre ta job. Ça a été vrai à Montréal, mais plus tard, autour des Jeux olympiques puis de l'Expo 67, mais les villes interdisaient littéralement aux personnes de même sexe de danser ensemble. Bitch. I mean, I mean. C'est cela. OK. All right. Il y avait aussi des municipalités qui interdisaient d'amener une personne de même sexe chez soi dans le but d'avoir des relations sexuelles. T'es comme... Fait que c'est quoi, quand t'avais quelqu'un chez vous, fallait absolument que t'aies quelque chose dans le four, comme ça, si tu te faisais arrêter, tu vas dire « Non, non, c'est un souper, je vous le jure. » T'as jure. Non, c'est ça, tu sais. Un peu comme quand tu prends une bière au parc La Fontaine, tu sors un sac de chips, pis t'es comme « Non, non, on mange! » Voilà. Puis sinon, il y avait des infiltrations de policiers dans des lieux de cruise. Grande Qu'est-ce que surprise, tu veux dire, « il y avait » Ben, c'est ça. Il y en a encore. Hein, Joël? Anyways. Fait que c'est vraiment dans les années 70 qu'on assiste à la naissance de l'expression « sortir du placard » ouais. en tant qu'expression valise qui rassemble ces deux concepts-là. Ouais. Ça réfère à deux réalités différentes, mais c'est dans un but commun. C'est-à-dire que ça utilise deux référents connus de la communauté, faire un coming out puis sortir du genre le placard, donc sortir du placard, ouais. Pour formuler un besoin de rendre l'homosexualité visible puis de la légitimer par le pouvoir de performatif de l'affirmation. Oui, oui parce que dans le fond, c'est venu, en tout cas... De ce que j'en comprends, c'est venu de on était comme tannés de vivre dans la honte et la répression. Puis dans les années 50-60, tranquillement pas vite, on est moins à la recherche d'un changement des lois que de pouvoir se représenter nous-mêmes. Non, mais c'est beaucoup la New Left américaine qui pense que la révolution oui. se fait par le bas, par une addition d'actes individuels, puis pas en attendant des réformes légales, ce qui est quand même intéressant. Oui. Puis, ils pensent aussi que l'aliénation est un ennemi à combattre et que le placard devient une forme d'aliénation des homosexuels à la majorité hétéro. Ah ouais, un petit peu de marxisme. Ah oui, on aime ça, ça. C'est on bon aime Marx. Ça, sprinkle here and there, là. Hey, on parle de communistes, on parle de marxistes. On est des intellectuels de gauche. Ben, moi, en tout cas... Je l'aurais pas dit moi-même, mais maintenant que c'est dit, je... Puis en plus, considérant l'argent qu'on fait avec deux fifs le matin, c'est clair qu'on est des intellectuels de gauche, puisque le montant est de 0$. Ouais, pauvre. Ah ouais. Voilà. Fait que le fait d'encourager les gens à sortir du placard a contribué à construire un mouvement assez fort aux États-Unis parce que la récupération des identités homosexuelles qui étaient liées à la honte avant pour en faire un mouvement politique, ça a fait quelque chose de fort parce que les gens avaient pu honte, puis on peut s'associer aussi, parce que c'est pas juste de faire les changements individuels dans ton entourage en le disant, c'est aussi, une fois qu'il y a plusieurs personnes qui sortent du placard, c'est de pouvoir réseauter, s'associer, puis se dire « Chris, on n'est pas tout seul, puis on est une gang, genre. » Oui, oui, oui, puis c'est aussi, je pense, de rendre visible un stigma, une oppression qui ne l'était pas avant, puis de le revendiquer avec fierté, un peu comme... comme on le disait il y a maintenant un an dans notre premier épisode, quand on décide de s'appeler des tapettes ou des fifs, c'est de prendre quelque chose qui n'était pas nécessairement visible ou qui n'était pas nécessairement nommé, puis de le crier dans l'espace public le plus fort possible, puis de dire « Oui, je suis une tapette! » Puis c'est ça, mais c'est beaucoup l'influence du mouvement de lutte de libération gay américain qui a amené le terme « sortir du placard ». Puis la métaphore du placard dans la francophonie, ça n'a pas été répertorié avant genre le milieu des années 80 parce que en France puis au Québec, on trouve des traces. Tu sais, bien sûr, genre les gens étaient opprimés puis ça avait pas d'allure. Oui. Puis comme c'était pas un gay paradise et ça ne l'est toujours pas, surtout la France, calice. Et si bon, mais mais c'est vraiment vers les années 80 que le placard, ça a été quelque chose qui a été nommé dans des textes francophones. Ouais, mais tu sais, ça a du sens parce que tu sais, c'est ça que je disais un peu tantôt. Surtout à Montréal, pour l'Expo 67 et au tournant des Jeux olympiques de 76, je crois. Le bon maire Jean Drapeau, hein, un héros historique du Québec. Oui. Ça prend-tu un nom comme Jean Drapeau, si tu pourrais être une figure nationale? En tout cas. Puis, fuck that shit. On se rappelle qu'à l'époque, on s'en rappelle, on était là, que... Oh, on s'en rappelle! Que dans ces années-là, il y avait un but de nettoyage de la ville en préparation de l'Expo 67 puis des Jeux olympiques. Puis là, on s'attaquait, bien entendu, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux homosexuels, aux personnes racisées, aux personnes en situation d'itinérance. Il fallait cleaner la ville pour rendre ça cute, cute, cute pour les touristes, alors qu'on le sait très bien, les touristes viennent à Montréal pour des raisons généralement sexuelles. Montréal est une ville de tourisme sexuel. Mais bon... Là, on a fait une petite Her Story Class sur d'où vient l'expression « sortir du placard ». Mais je pense qu'il faut se demander quand même c'est quoi les limites d'une expression comme celle-là, non? Puis c'est fou parce que c'est pas des questions qu'on se pose souvent parce que c'est tellement des termes qui sont comme entendus puis genre compris de tout le monde qu'on est comme « ben oui, le placard », tu sais. Oui, c'est un acquis de la culture, là. Mais quand tu y réfléchis, c'est la métaphore en elle-même fonctionne pas parfaitement. Puis c'est Sedgwick comme auteur qui a vraiment théorisé ça. Puis ça a l'air que c'est pas lisable. Puis moi, je l'ai jamais lu. J'ai juste lu du monde qui l'avait lu. C'est beaucoup mieux. Moi, je m'y suis frotté. Puis effectivement, j'ai trouvé que c'était une lecture difficile. Mais... Non, frottez-vous. Ah, je me suis frotté. Hein, Elle ne recule devant rien. Moi, tu dis juste hardcover, puis je suis tout émoustillé. Mais... Donc oui, c'est ça. Donc son livre, c'est Épistémologie du placard, dans lequel on nous explique que... Quand on est dans le placard, on peut pas savoir qui sait qu'on est dans le placard, puis qu'il dit pas qu'il sait. Fait que dans le fond, le placard, c'est pas un lieu si stable et étanche que ça, parce qu'on vit constamment dans la peur que les autres sachent sans nous le dire ou qu'on se fasse outer. Puis parfois, c'est pas que les gens savent pas, c'est que les gens cherchent à l'ignorer. Fait qu'il y a une entente tacite que si personne le nomme, ça existe pas. Fait que le placard est pas vraiment un lieu si stable ou si caché que ça. C'est pas si simple que ça, dans le fond. Puis on n'est jamais tant dedans ou dehors de ce placard-là. Non, c'est ça, c'est ça. On est comme jamais sorti ou en dedans, parce que c'est comme tu dis, tu sais, comme le fait d'être dans le placard, c'est quasiment quelque chose de semi-visible. Là. C'est pas. On en reparlera plus loin, mais tu sais, c'est pas comme avoir une. Des enjeux de santé mentale, que ça, c'est complètement invisible. C'est, oui, c'est ça. C'est vraiment. Il y a des codes quand même, il y a des trucs qu'on, que les gens sont capables de comprendre ou de pick-up, tu sais. Puis sortir du placard aussi, c'est pas. Magique, puis là, maner c'est fait, puis là, c'est juste comme, c'est ce truc-là qui arrive, tu sais. Il y a tout le temps des reproches qui viennent avec. C'est toujours trop tôt. Ouais, c'est tout le temps trop tard, hein, c'est ça. Puis là, t'es comme sacrament, genre, parce qu'on vise, quand c'est trop tôt, on vise à invalider, puis à dire que la personne est trop jeune, puis peut pas savoir, puis que c'est sûrement une phase, puis qu'elle capote. Puis quand c'est trop tard, ben c'est comme, ben là, pourquoi tu nous l'avais pas dit avant? Tu nous as menti, t'as pas été ton toi-même authentique. Ouais. Tu nous as caché des choses. Oui, là, c'est ça, puis c'est, tu te fais quasiment traiter d'hypocrite, là, ou. Puis même. Ouais, pis t'es comme, bitches, c'est vous qui êtes homophobe, pis c'est vous qui faites que je me cache, là, genre. C'est pas par plaisir, là, j'aimerais ça être out there, pis juste chill with it, genre. Oui, pis dans la catégorie de c'est toujours trop tard de faire son coming out, il y a aussi le classique, ah, oh, je le savais. Ah, si tu fais ton coming out, là, et que tout le monde le savait, et que tout le monde avait donc un bon gaydar, et my god. Ben oui, tu sais, pis personne n'a pensé, genre, envoyer des signes que peut-être c'était correct, ou juste, t'sais, sans te sortir du placard, juste comme avoir des, genre, big up d'ouverture, pis de genre, te faire, en tout cas, tu sais. Puis, on va juste s'asseoir puis attendre. Oui, exactement. Puis tu sais, comme sortir du placard, c'est une expression qui recouvre quand même un certain nombre de privilèges parce que celles et ceux qui sortent du placard, c'est généralement, c'est pas toujours vrai, mais c'est généralement quelqu'un qui va pouvoir assumer les conséquences. S'il y a des conséquences, effectivement, tu sais. Puis parce que tu peux perdre ta job, tu peux perdre ta famille, tu peux perdre ton réseau de support, là, dépendamment de dans quel milieu puis dans quel avec quel type de personne tu es là. Puis c'est pas toujours des gestes si calculés que ça. C'est-à-dire que tu sais, des fois c'est soit on se fait sortir du placard de force, soit on en peut plus puis on le fait sur l'impulsion. Mais tu sais, reste que il y a un fond de souvent les gens qui se protègent le plus, c'est ceux qui ont le plus à perdre en termes de stabilité parce que ils peuvent pas la retrouver seuls. Puis c'est important d'acknowledge ça. Oui, c'est les gens qui ont le plus à perdre ou les gens qui ont déjà plus rien à perdre. Puis qui peuvent pas se permettre d'en perdre plus. Là. Mais on va élaborer comme plus là-dessus. Mais là, oui, on va revenir en détail. Là. Du coming out et tout. Parce que là, à date, on a trouvé une plug dans le fond du placard. Fait qu'on va pouvoir plugger notre cafetière filtre puis se faire couler un café dans le confort du secret le mieux gardé. Et on vous revient pour le caféiné. À tantôt. OK, alors comme on dit au sauna, aussitôt coulé, aussitôt avalé, on a même un petit pot de chambre dans notre placard pour être sûr que ce café-là passe son existence au complet à l'abri du regard des autres. Ne vous inquiétez pas. Fait que, vers la fin des années... Fuck that shit, bitch. Vers la fin des années 2010, on entend beaucoup parler de la journée internationale du coming out, le 11 octobre. On en pense quoi de cette journée-là? C'est compliqué parce que il y a une nuance entre réfléchir le coming out puis célébrer le coming out parce que c'est pas la seule stratégie politique. Il faut pas nécessairement placer tout le monde dans la dichotomie, gros mot, dans la binarité, dans la dualité, dans cette opposition. OK, j'arrête. Entre placard et réprimé, hein? c'est pas parce que t'es dans le placard que t'es comme un traître à la communauté ou une traîtresse à la communauté. Mais aussi comme c'est, réfléchir à qu'est-ce que c'est être out puis qu'est-ce que c'est être comme pas out, Parce que je veux dire, oui, il y a absolument tout le monde le sait ou absolument personne ne le sait, mais il y a comme beaucoup de choses entre les deux. Puis je trouve aussi que, en tout cas, les gens sont prompts à comme, tu sais, surtout les gens du milieu académique, là, whatever, là, à faire des gros posts heartfelt de comment que dans le fond, là, la journée sur le coming out, c'est de la merde, puis blablabla. Puis ouais. Je comprends que c'est critiquable in so many ways, mais en même temps, tu sais, il reste que. Pourquoi en 2020 ça reste genre un acte de défiance quasiment d'affirmer genre une orientation sexuelle qui est pas hétéro au grand jour, tu sais. Oui. Fait que je comprends que oui, d'une certaine manière on en a besoin, mais on a aussi besoin de réfléchir là-dessus, tu sais. Puis c'est quand même un drôle de focus parce que tu sais, on, en tout cas au Québec à tout le moins, on a quand même une fierté déjà qui existe, là, la fierté gay, ben la fierté ouais. LGBTQIA2+, mais comme moi c'est là où je comme c'est pas mauvais d'avoir une journée internationale du coming out, mais je trouve ça un peu bizarre qu'on ait une journée particulièrement pour cette action-là qui pourrait, selon moi, en 2020, être recouverte par l'expression générale d'être fier puis de la fierté. Puis... Ouais, puis autant je trouve ça, que c'est bien de réfléchir à ce qui est libérateur puis le fun de sortir du placard, je pense qu'on a aussi le droit de penser que c'est fucking chiant pour vrai un coming out. Là. C'est tellement de travail, c'est demandant pour finalement, là, finalement tout... Genre, tout ce que t'as comme récompense, c'est de pouvoir être toi-même aux yeux ouais. des autres sans sentir que t'as de quoi à cacher. Mais tu sais, au final, genre, est-ce que tu parles de comme de tous les aspects de ta gay life à tout ton entourage? Non, ils font juste savoir comme c'est quoi ton orientation sexuelle. Mais tu sais, comme je trouve qu'il y a beaucoup de travail pour pas beaucoup de gains dans un coming out, mais c'est quand même ouais. un passage obligé parce que c'est vrai que les gens veulent pas vivre dans le secret, mais comme c'est de la style marde, là. Oui. Puis, en tout cas, je trouve qu'il y a souvent. Comme un genre d'injonction à sortir du placard. Parce que en 2020, entre, là, je mets beaucoup de guillemets, mais c'est donc facile d'être LGBTQIA2+, en 2020. Puis il y a souvent... puis là, j'ai mis des guillemets, je vous rappelle, là, des air quotes. Comme si hein, c'était facile pour tout le monde de sortir du placard, qu'il n'y a plus de raison. Hein. Éric Duhem nous l'a dit, il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter d'être gay. On ne devrait même plus être gay, on devrait juste être. Mon Dieu. Oui, oui, c'est ça, là, puis genre... Alors qu'il y a certains même... coming out qui mettent beaucoup de gens beaucoup plus à risque. Eh hey, oui, pour vrai, là. Attends, faire un coming out comme femme trans, là, avec toutes les violences que les femmes trans se prennent, genre, qui se font encore assassiner à grandeur, t'es genre oui. comme, ben, effectivement, genre, tu penses à ta sécurité, puis c'est correct de pas être out auprès de tout le monde, c'est correct de, genre... de t'habiller dans ton genre juste une fois que t'es rendu dans des lieux safe, oui. puis on devrait pas invalider qui t'es en fonction de comment que tu te présentes, dans quel contexte, le fuck that shit, là. Yeah, yeah, exactement. Puis tu sais, comme, il y a aussi des coming out partiaux, tu sais, je vais faire semblant qu'on est dans Crash Tonté pendant 5 minutes, mais dans la première saison de Drag Race Canada, un moment donné, il y a Priyanka qui parlait de sa famille, que sa famille n'était pas tout à fait rendue à la même place que Priyanka elle-même, puis elle disait, c'est vraiment lourd, parce qu'il y a plus personne qui est dans le placard aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on oublie des fois, c'est qu'il y a des gens qui, oui, sont out dans la communauté. Comme on disait au début de l'émission, des fois, faire son coming out, c'est faire son coming out auprès de la communauté et non pas à l'extérieur. Mais quand t'es pas en mesure de le faire à l'extérieur, c'est pas le fun. Là. Tu vois tout le monde qui est donc heureux, heureuse avec sa famille, puis toi, t'es comme, ouais, ben moi, je peux pas leur dire, puis faut que je m'invente des noms de blondes. Mais je trouve qu'il y a aussi des mythes par rapport à ça, de comme, c'est pas parce que t'es out dans ta famille que tu leur parles de ta vie nécessairement, tu sais. Ouais. Je vous brûle un punch, j'ai des mères lesbiennes, donc je suis chanceux, je leur parle de plein d'aspects de ma vie de manière comme beaucoup plus deep que la plupart de mes amis font avec leurs parents hétéros, mais oui. c'est pas parce que t'es out nécessairement que genre tes parents savent beaucoup sur leur vie, puis je sens beaucoup ce disconnect-là avec plein de personnes queer où leurs parents vont pas comprendre ce qu'ils vivent, même s'ils savent qu'ils sont queer, tu sais. Oui, puis... Tu sais, je pense que c'est important de le souligner que, surtout, genre, mettons, t'es non-binaire, t'es une personne trans ou tout ça... C'est correct pour certaines personnes de se présenter dans son genre assigné à la naissance, soit pour sa propre sécurité, en public ou en privé, ou de juste choisir les espaces où tu te sens à l'aise d'être out. Puis même sur des trucs de sexualité, tu sais, je veux dire, il y a des affaires de comme, je sais pas, là, du monde que c'est comme, ah, leurs grands-parents, ils savent pas parce que là, ils sont trop vieux, ils auraient trop d'affaires, ils ouais. trop de merde. Mais tu sais, comme au final, genre, tu peux amener quelqu'un dans le party qui est genre. Qui est le partner avec qui t'es, puis au final, il se posera même pas de questions. Il y a aussi des trucs comme ça, de genre, c'est pas parce que tu le dis pas qu'il faut que tu le caches nécessairement. C'est juste des trucs de comme, on va pas spécifiquement mettre des mots pour telle personne, mais on est capable de vivre avec. Il y a plusieurs degrés de nuances, je trouve, qui sont corrects. Puis tu sais. Mais c'est parce qu'on a souvent une vision du tout ou rien avec le coming out. Oui, puis en même temps, autant, genre, of course, je veux vivre dans un monde où comme tout le monde peut être genre complètement out puis que ça pose pas de problème, mais je trouve que ça serait niaiseux d'ignorer les problèmes que ça peut poser, puis aussi de forcer tout le monde à se mettre dans des situations où finalement t'es dans des positions d'éducation qui sont fucking demandantes, tu sais. Puis ouais, genre, tout le monde a des nœuds de trauma différents avec oui, des familles, puis genre, c'est correct de choisir ce sur quoi t'embarques, tu sais. Oui, oui, oui, ben, oui, puis comme tu sais, c'est comme t'as dit, il y a tellement de travail d'éducation avec ça que on peut pas forcer, parce que c'est tout le temps le travail des opprimés d'éduquer ceux qui ne le sont pas, celles et ceux qui ne le sont pas. Puis aussi, malheureusement. C'est intéressant de se demander, genre, qui a vraiment besoin de savoir? Tu sais, mettons, moi, personnellement, ouais, je sais que je serais pas capable de pas le dire dans un milieu de travail, juste parce que de qui je suis, de ce dont je parle, puis de comment j'agis, ça fait pas de sens, puis je serais pas capable de me créer un genre straight persona. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Mais, tu sais, moi, je sais pas, là, quelqu'un qui a un contrat de 3 mois dans la construction, là, en 3 mois, ça vaut-tu vraiment la peine de, comme, mettre un target sur, genre, toi, puis ouais, de prendre, comme, toutes les questions indiscrètes, puis toutes les incompréhensions, puis, genre, de l'homophobie, potentiellement, pour voir un contrat où, genre, tu vas décalisser, puis, genre, oui, on s'en fout, tu sais. Fait que je comprends ça aussi, tu sais. Oui, mais c'est parce que nous, en plus, tu sais, déjà, on est des podcasteuses et des éducatrices un petit peu de temps en temps. Puis, tu sais, comme, nous, on est outillés pour le faire. Puis on se sent à l'aise avec ça. Mais il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui le file. C'est un travail. On l'a dit, puis on va le répéter. C'est un travail, faire un coming out. C'est de l'ouvrage. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis si les gens se sentent pas à l'aise de se présenter dans un espace comme ils sont sans concession, ben le problème, c'est l'espace, c'est pas eux autres. Ouais, ouais. Je trouve que des fois, on amplifie tellement le truc de comme c'est courageux faire un coming out, c'est important ici, c'est ça. Puis je trouve que c'est vrai, mais on frame rarement le truc de comme, mais c'est les espaces dans lesquels il faut faire des coming out, puis il faut faire un travail ouais, d'éducation super lourd qui sont en fait des problèmes, tu sais. C'est pas, ouais, c'est pas le fait que les gens ont pas le courage ou la force en eux de faire leur coming out, là, tu sais. Ça fait chier d'avoir à lutter juste pour pouvoir être nous-mêmes dans l'espace, là, parce qu'au final, ouais, on gagne rien de ça, là, parce que absolument tout le monde pas est juste eux-mêmes dans l'espace de facto, puis nous autres, ça prend quelque chose de plus pour arriver à l'être, tu sais. Oui, puis tu sais, malheureusement, souvent, on a le réflexe de problématiser les personnes qui sont pas out, puis moi, pendant longtemps, j'étais de cette école, puis je me rappelle d'un exemple bien simple. J'avais une amie qui était professeure et qui disait tout le temps, moi, je le dis pas à mes étudiants et étudiantes, moi, j'en parle pas, c'est ma vie privée. Puis là, moi avec ma grand gueule de gauchiste, j'étais comme, ben là, tu penses-tu que les autres profs, ils se gênent pour parler de leurs femmes puis de leurs enfants devant des professeurs, blablabla. Mais tout ça, j'oubliais que d'un côté, oui, les straights se gênent pas pour parler de leur vie, mais il n'y a pas la même réaction. Un straight qui dit ma femme, mes enfants, il n'y a pas personne qui va broncher d'un hostie de poêle. Non, puis ça gosse, mais c'est vrai que le problème, c'est les gens qui le reçoivent puis comment c'est traité. C'est pas les gens qui sont pas prêt à s'embarquer dans un shitstorm, genre, parce que ils veulent juste pouvoir parler d'affaires ouais, qu'à jour. T'sais, c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux aussi peser le pour et le contre, puis faire comme, moi, juste faire ma gueule, tu sais. Yeah, fait que pour les gens que j'ai shamé de pas être complètement out, toutes mes excuses, je respecte oh, tout à fait vos choix. Hein? Voilà, c'est mais fait. Ceci étant dit, c'est la New Left américaine avait quand même des bons points dans les années 70, c'est-à-dire oui, qu'on gagne à se révéler au grand jour, puis à faire bouger les choses en étant loud, puis en étant comme out there. Ça nous permet pas juste d'éduquer les straight clueless, mais aussi de s'associer, d'être visible, d'être des oui, modèles pour des oui, gens LGBT qui sont dans les environnements. Fait que, tu sais, comme, je pense, je veux pas non plus être dans un truc complètement apologiste de comme, on devrait, tu sais, comme, je trouve que c'est utile et productif et le fun, les coming out. C'est juste pas oui, si simple que ça, tu sais. Puis il faut que ce soit reconnu comme du travail calice. Ben, justement, là, c'est ça, nous autres, la communauté est épuisée. Là. Je me rappelle, c'est un slogan, c'est un lingo féministe, là, mais ça peut s'appliquer à tout. Mais que moi, on me disait souvent au cégep, pour un homme pro-féministe, il y a 10 féministes essoufflés en arrière. Yes. C'est un peu la même chose, genre pour 10 personnes qui comprennent ton orientation, ton identité de genre, etc., ben, il y a probablement 25 conversations en arrière de ça qui ont été super épuisantes. Puis, yes, bitch. C'est vraiment de l'ouvrage éduquer des straights, particulièrement des straights, et surtout quand c'est des enjeux dont ils ou elles ne connaissent absolument rien. Là. Puis que, genre, ils n'ont pas à se confronter à ces préjugés-là non plus non, s'ils rencontrent personne. C'est-à-dire que si tu es la première personne, tu es celle qui prend tout. Là, oui. Puis ils n'ont pas à chiller avec des gens qui ont des identités de genre ou des sexualités différentes non plus. T'sais. Non, c'est ça. Puis. En tout cas, ça dépend des familles, mais tu sais, comme moi, dans ma famille, j'étais la première personne à faire un coming out. Oh God, that's work, mama. Puis Puis là, j'ai ouvert des portes pour d'autres personnes, Dieu merci, mais fallu que je me tape la job. Puis ce qui est chiant, c'est que le moment où tu fais ton coming out, c'est le moment où tu es le moins outillé pour faire face à l'ignorance des gens. Oui, souvent, tes premiers grands coming out, c'est vrai que tu es une petite tapette toute jeune. Oui, puis tu as juste besoin de le dire puis de te sentir compris, mais au final, les gens ne te comprennent pas puis tu n'as pas encore rencontré ta communauté, tu te sens pas encore à l'aise là-dedans. Tu sais, aussi, tu es dans tes premiers pas dans la sexualité adulte, tu démêles ça, tu comprends pas nécessairement. Fait que tu sais, comme, c'est. Puis t'as pas de grands réseaux qui te disent que t'es légitime d'exister comme ça. T'as juste des amis straight, bien intentionnés, qui sont comme « c'est pas grave, on t'aime pareil, y a pas de problème ». Mais ça, c'est pas du real soutien en termes de, comme, quand les gens font des affaires vraiment trash, genre, t'sais, c'est beaucoup un truc de parents, de comme, t'sais, ils sont pas homophobes, mais ils vont instrumentaliser leurs inquiétudes pour contrôler, réprimer, parce que, puis on n'a pas assez d'expérience pour répondre à ces inquiétudes-là. Fait que, t'sais, mettons, des parents qui sont comme... dans des processus manipulatifs de ah, mais je voudrais pas que tu sois trop efféminé, tu sais, les gens te regarderaient d'une manière différente, ça serait, puis t'es juste comme, mais pour vrai, tu penses du regard des autres sur moi ou t'as peur comme de la honte par extension puis de pas être fier de moi si genre j'agis pas comme toi tu veux, tu sais, fait que c'est difficile à désamorcer comme processus, puis ça reste violent de la même manière parce que c'est vrai que comme kid, ce que t'entends, c'est moi, si t'as une expression de genre qui choque les gens, je vais être du côté du monde, puis je vais te demander de tone it down, puis je vais pas être de ton côté à dire aux gens, genre, deal with it parce qu'il est comme ça. Genre, c'est rough, là. Oui, puis, tu sais, je veux dire, en tout cas, si t'es si inquiet ou inquiète que ça pour ton enfant, fight pour les personnes que t'aimes, pas contre l'identité, j'ai dit ton enfant, ça peut être un membre de ta famille. Ou... Mais ça marche pour tout, ça. T'sais, c'est quoi là, les craintes de parents qu'on sort tout le temps? Là? T'sais, c'est des trucs de comme on veut pas que tu attrapes le VIH. Mais tu es capable de faire genre de la prévention, puis genre de l'éducation sexuelle comme tu ferais avec n'importe quel enfant, avec genre un enfant qui est dans une communauté plus à risque de contracter le VIH, puis aussi t'informer sur c'est quoi le VIH, puis comment que on peut vivre avec le VIH, puis être correct aussi, puis que c'est pas la fin du monde. Tu sais, le meilleur parallèle. On en entend beaucoup parler dans les derniers mois. Le meilleur parallèle, c'est enseigner à nos filles de ne pas porter des jupes courtes puis de faire attention de ne pas trop boire, au lieu d'enseigner aux gens de pas de demander le consentement puis de ne pas faire d'agression ou de viol. C'est le meilleur parallèle. C'est le meilleur parallèle. T'es enseigner au monde à demander le consentement, pas à avoir peur de se faire violer. Il faut changer. Puis ce qui est vraiment chiant aussi dans changer ces paradigmes-là avec les straight au moment de faire des coming out, c'est que les straight restent à convaincre qu'ils ont à être éduqués parce que souvent, ils vont penser que s'ils sont corrects avec ça, s'ils sont pas dérangés, s'ils sont pas brusqués, ben là, c'est correct puis on devrait juste être content de ça. Puis t'es comme, ben comme si c'était pas assez d'ouvrage de les éduquer, il faut aussi les avertir qu'il faut qu'ils soient éduqués puis faire tout ce travail-là, tu sais. Parce que c'est facile de dire que t'as pas de problème avec ça au lieu d'observer tes propres biais. Oui. Puis ça fait que s'il y a des trucs qui nous dérangent de ces straits-là, mais vu qu'ils ont dit qu'eux autres, il n'y avait pas de problème avec ça puis que c'était bien chill, ben, c'est nous autres qui doivent prendre un temps avec eux autres pour faire comme non, mais actually, il y a des choses que tu dis que qui n'ont pas d'allure puis je sais que tu n'as pas l'intention d'être homophobe, mais genre, let me tell you, because obviously you don't know. Oui, parce que d'une certaine façon, on devient un peu le « j'ai un ami gay, je peux pas être homophobe ». Ah oui, ça devient nous autres, ça. Envers c'est le fun, nous-mêmes. Ouais. Mettons, moi, je sais pas, moi, je suis dans un party quelconque, puis il y a un dude de ma job qui décide, qui fait une joke homophobe, puis j'ai dit, hey, c'est homophobe. Il dit, ben oui, non, Jess, tu le sais que je t'aime bien, là, ça peut pas être homophobe. Ah, fuck that shit, là. Non, là, faut encore que je te convainque que faut pas juste que tu m'acceptes. Puis les deux sont vrais, les deux peuvent coexister. Tu peux bien m'aimer, puis dire des affaires qui ont pas d'allure, puis qui sont insultantes pour mon identité. C'est juste que tu comprends pas que les deux peuvent cohabiter puis que tu peux aussi changer. Ouais. Ce que tu dis, tu sais, puis en tout cas, moi, ce qui me fait chier aussi avec les trucs de comment, mais j'ai pas de problème avec ça, ah, mais tu sais que je t'aime bien, il y a un truc de comme, ben, est-ce que ça serait légitime d'abord d'avoir un problème avec ça, vu que toi, tu passes ton temps à dire que t'as pas de problème avec ça, les gens gays. Ben oui! Ça veut dire que, ah, ben, il y en a qui ont des problèmes, par exemple, là, je veux dire, qu'est-ce que ça leur appartient, je me fuck that shit, là. Puis, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais tu sais, j'ai comme un feeling que... Parce que d'un côté, l'orientation sexuelle de quelqu'un est très sujette à gossip. Alors, je pense qu'il est gay, je pense qu'elle est lesbienne, nanana. Il y a une espèce d'obsession à vouloir le savoir. Puis des fois, quand tu finis par commenter ou quoi que ce soit, la façon pour se débarrasser de toi, c'est « Ah, mais c'est correct, j'accepte ça, mais ça t'appartient. » Il y a vraiment une tension entre vouloir savoir l'orientation de quelqu'un puis être, genre avoir un espèce de discours c'est pour se laver toute homophobie, de dire ça te concerne, ça te concerne que toi, c'est des trucs du privé, ah mais il y a pas de problème. Puis t'es juste comme, but bitches, y'all wanna know, genre, arrêtez de me faire chier, genre, arrêtez de faire comme si, genre, vous étiez don au-dessus de ça parce que vous êtes ouvert, vous voulez le savoir, là, vous êtes curieux. Ben là. Oui, puis de toute façon, là, à la quantité de monde avec qui on a couché, si vous pensez que c'est privé, là, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusque dans le cul, c'est sûr. On est des lieux publics. Puis, tu sais, comme, dans le truc d'essayer de minimiser ou de dire que c'est donc pas important et tout, comme, ben non, dans un monde où on se fait tenir pour hétéro par défaut, puis que personne... personne le demande, même dans le doute, même si t'as l'air full gay, mais je pense que c'est important de mettre le monde au courant, puis c'est correct. Fait que dites-nous pas que, genre, pour moi, ça change rien. Non, mais non, ça va changer quelque chose, puis c'est correct. Ça va juste changer des trucs dans les détails, dans comment tu vas réfléchir, penser à moi, puis à ma vie. Puis c'est correct, c'est ça que je veux, tu sais. Ben oui! Moi, le monde qui dit que c'est pas important, je m'excuse, là, mais tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt dans l'exemple du professeur, puis je disais, ben les straight, eux autres, ils parlent tout le temps de leur enfant puis de leur femme, ben c'est ça. Viens me faire à croire que ton mode de vie hétérosexuel n'est pas important. Là, moi, je travaille dans un bureau. Là. Bon, je suis chanceux où je travaille, c'est quand même assez queer, mais il y a évidemment plus de straight que de queer. Mm-hmm. Puis j'entends juste ça. Ma femme, mes enfants. En fait, semaine avec ma femme, mes enfants. Non. C'est important. C'est... Moi, si je peux pas en parler parce que sinon les gens vont dire ça t'appartient, blablabla. Il y a un déficit de ce qu'on peut partager, où est-ce qu'on peut le partager, quand est-ce qu'on peut le partager. Puis comme, pour vrai, c'est correct de vouloir savoir. Genre, tu sais, comme de pis d'être content qu'on te mette au courant, tu sais. Au lieu de faire là comme, tu sais, de jouer la personne dont on est taché, pis tout, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi dans l'imaginaire straight. Ouais. Être ouvert, pis être un bon straight, tu sais. Mais tu peux juste être content d'avoir été mis au courant. Genre, t'as pas besoin de jouer là comme pour moi, ça change rien, c'est pas une information importante. Non, c'est une information importante. Les gens vont gossip sur l'orientation sexuelle de quelqu'un s'il a pas l'air d'avoir d'intérêt pour, air quote, le sexe opposé, or whatever that means, là. Oui, pis. Moi, je trouve que ça m'amène au fait que, justement, comment je dirais ça? Dans l'éducation en général, les discours homophobes, c'est pas des discours rationnels. C'est pas des discours qui ont besoin de tenir la route pour... l'homophobie n'existe pas parce qu'il y a 125 livres écrits par des scholars sur pourquoi l'homosexualité, c'est dégueulasse. Genre, tous les arguments homophobes pourraient être réfutés en dedans de deux secondes. Et pourtant, l'homophobie existe encore là, encore et toujours. Mais je pense que ce qui est plus décourageant avec tous les trucs homophobes qu'on peut recevoir au moment de nos coming out, c'est que les arguments homophobes s'interchangent puis se remplacent puis peuvent, en fait, se contredire totalement. Puis les straights peuvent passer de l'un à l'autre sans que nous, on se sente en position de pointer leur inconséquence puis qu'on soit juste en position défensive de se justifier. Puis nous, là, ouais. Il faut qu'on fasse impeccablement de sens, mais pas pour nous, pour eux autres, dans comment ils comprennent ça. Ça rend fou, en fait. Puis dans des exemples d'arguments homophobes qui s'interchangent, se remplacent, mais qui font pas de sens ensemble, tu sais, t'as des trucs de comme des straights qui peuvent insinuer indirectement que c'est correct que tu sois queer tant que tu sois pas trop différent, mais qui peuvent aussi dire dans une même conversation qu'ils trouvent que genre toutes les fifs se ressemblent puis agissent pareil puis que genre ils sont gossants puis qu'ils sont comme pas nice, mais que toi, vu que toi t'es différent, là, t'es comme ok, mais là moi je suis différent ou ils sont tous pareils? De quoi tu parles? Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est comme bonnet blanc, blanc bonnet, puis ça arrive vraiment régulièrement. T'sais, comme les straight peuvent en même temps dire ce qui se passe dans ta sexualité, ça t'appartient, puis ça les concerne pas, mais après ça, ils vont te poser toutes sortes de questions sur ton historique sexuel, ou t'es-tu sûr, c'est-tu juste une phase, t'as-tu déjà essayé avec une fille? Oui, ça les concerne pas, mais t'as-tu déjà essayé? Tu l'as-tu déjà fait? Oui, c'est ça. Puis là, si t'as déjà essayé, c'est peut-être une phase, ou si t'as déjà essayé, tu sais, comme là, ils peuvent t'invalider, mais ça les concerne pas. Oui, puis d'ailleurs, je vais revenir plus loin parce que ça touche mon expérience personnelle du coming out, mais comme, imagine là, t'es dans une famille régulière un peu conservatrice, puis là où tu veux t'en aller, c'est « je suis en questionnement ». Tu veux pas faire ton coming out, tu veux juste dire « je suis en questionnement ». Il y a comme pas cette place-là, faut que tu fasses ton coming out. Non, c'est ça aussi. Puis tu sais, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup un discours de comme « on accepte la différence ». Mais au final, il faut que la personne soit la moins différente de l'hétérosexualité que possible. Oui. T'sais, il faut que tu aies une expression de genre qui est le plus conforme à une expression de genre hétérosexuelle, puis là, c'est correct, mais on accepte la différence, air quotes, puis t'es juste comme, de quoi, genre, ça fait aucun sens. Ces deux trucs-là en même temps, ça fait absolument aucun sens. Puis, parce que là, je veux dire, on est parti, on est pompé, moi, t'en sortir des exemples d'homophobie qui ne font pas de sens. Les straights peuvent à la fois tenir un discours de... Ah, tu peux le dire, ça ne nous dérange pas. puis de mais pas besoin d'aller le crier dans la rue quand même là. Avec bien fait sûr les plumes dans le cul. Toujours les plumes dans le cul. Toujours les plumes dans le cul. Non, mais à un moment donné, c'est quand même incroyable de genre, hein, tu peux tellement dire ça ne me dérange pas, mais tu peux pas le dire trop fort par contre. Puis là, ces deux idées-là peuvent cohabiter, puis genre faire sens. Ouais. Puis là, c'est juste qu'il faut avec le dire avec modération, puis t'es comme, mais what does that mean? Genre, quand est-ce que ça devient trop? Quand est-ce que je le dis trop? T'sais? Oui, puis tu l'as abordé un peu tantôt, là, mais comme nous autres, quand vient le temps de se défendre, il faut à la fois être conséquent et comme pas conséquent pour nous, mais conséquent pour les straight. Oui, c'est ça. Dans des affaires, pas d'allure de genre, tu sais, mettons, si tu fais un coming out bi, ben là, il faut que tu sois vraiment 50-50 parce que ouais. Sinon, les straights sont confus. Oui. Il faut que tu sois autant attiré par genre. C'est vrai qu'en tout temps, t'as eu un chum pin blonde de chaque bord. C'est ça. Quand tu fais un coming out gay lesbien puis qu'on te ramène tes relations hétéro d'avant comme si c'était un mensonge. Oui. Ou ben non, en disant. Fait que là, tu serais pas plus bi alors que les bisexuels, quand ils font des coming out, on va leur dire que c'est des hétérosexuels pas assumés. Des homosexuels pas assumés, sorry. Fait que là, tu sais, comme. Il y a tous des trucs de comme. Ils vont tout le temps chercher à genre. À t'invalider ou chercher les bébés, puis t'es juste comme écoutez, faites juste écouter. Genre, faut pas que ça fasse du sens pour vous, faut juste que ça fasse du sens pour moi, puis que vous compreniez ça, puis que vous écoutiez ça. Genre. Oui, puis tu sais, combien de straight nous ont dit si t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et ça, évidemment, la réponse pour ça est tellement facile, et c'est toujours de leur dire fait que toi, t'as couché avec un gars, c'est ce que je comprends. Oui, c'est ça, calice. Pour le... prouver ton hétérosexualité, t'es allé faire ça, t'as pas aimé ça, t'as eu ton rite de passage. C'est pas de même, ça marche. En tout cas, je ne pense pas. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on fait des hosties de coming out parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est le fun. Genre, on aimerait mieux ne pas, mais vous nous laissez pas le choix. Fait que genre, on doit le faire. Oui, parce que tu sais, on en a déjà parlé, mais tu sais, c'est comme, les gens tiennent pour acquis qu'on est straight, mais nous, on veut pas que nécessairement que ça se passe de même. Ou des fois, on fait juste comme glisser l'info même dans une conversation, comme moi quand j'ai annoncé que j'étais non-binaire de rien. Ça compte comme un coming out quand même. Là. Ça n'a pas besoin d'être fait sur un tapis rouge avec deux tigres du Bengale, des feux d'artifice, puis Céline qui chante ses plaines. Là. C'est... But, si on mais pouvait faire ça, on prendrait aussi, on aimerait aussi. Non, mais aussi, en tout cas, je trouve que des fois, genre, les gens qui le disent juste de même, as an information, se font un peu dismiss, puis pas vraiment entendre, jusqu'à oh, c'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Ou genre, les gens sont saisis, puis posent plein de questions, puis genre, veulent vraiment comme savoir. Mais quand c'est fait en grande pompe, c'est comme, OK, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. C'est comme, ah, ben là, pourquoi tu prends le plancher pour ça? C'est pas si important que ça. Puis je trouve que, encore une fois, de l'homophobie inconséquente, de comme, mais tabarnak, faut juste jamais vous bousculer dans le fond, mais il faut tout le temps comme cater for you, puis genre, vous prendre soin de vous. Fait qu'en tout cas, je trouve que la solution à ça, quand les gens font leur coming out, c'est laisser de l'espace dans votre langage et dans vos actions. Genre, pas genrer les partenaires avec tout le monde, même si les gens ont l'air fucking straight. Je sais que c'est weird, c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, mais ça acknowledge que tous les queers ont pas l'air de la même affaire, puis ça met les straight au courant aussi que c'est possible de pas genrer les partenaires des autres. Fait que même si ça les concerne pas, tu sais, ça peut être aussi un cue qui pick up de comme, ah, c'est vrai, comme c'est quelque chose que je pourrais faire moi aussi, tu sais. Oui. Puis tu sais, comme... Il y a des façons de réagir à un coming out. Et avant d'en parler un peu plus, là, je vous le dis tout de suite, l'hésitation, là, dès qu'il y a un petit malaise, on le sent, guys. Ouais. Genre, c'est très, très, très obvious. Là. Ouais. Fait que, tu sais, si jamais là, quelqu'un vous reprend, mettons, tu dis, ah, ta blonde, puis là, tu dis, non, c'est ton chum, c'est mon chum, ben, faites juste vous reprendre rapidement. Pas besoin de vous sentir mal. Confondez-vous pas dans une pluie d'excuses. Pas besoin de vous intéresser plus que ça à l'orientation sexuelle de la personne non plus. Pas besoin de faire « Ah oui, ah ok, mais là tu le sais depuis quand? » Genre « Who cares? Who fucking cares? » Tu sais, c'est ça. Là, là, si quelqu'un te dit « si j'avais » au lieu de « si j'aurais », tu passes pas une demi-heure à te confondre sur la survie du français et à broyer. Là, ben, c'est la même affaire. Là. Ah! Oh my God, can you imagine? Puis quand la personne vous le partage directement, c'est correct de le célébrer et d'être content que ce soit quelque chose que la personne se sente à l'aise de vous partager. Ouais. Puis se proposer comme allié à leur défense. Si vous avez des inquiétudes, là, proposez-vous comme allié. Faites juste comme, y a-t-il des choses qui te gossent? Y a-t-il des choses avec lesquelles genre, je peux t'aider puis être quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer? T'sais? Yeah, puis tu sais, au lieu de tomber dans des questions invasives puis de commencer à faire une enquête, là, demande, est-ce que la personne aimerait partager autre chose? Est-ce que, genre, y avait-tu d'autres choses dont tu voulais me parler? Est-ce que tu veux t'ouvrir un peu plus ou c'est juste un statement? Genre, commencez pas une enquête super évasive. Là. Ah ouais, t'as-tu déjà un petit chum? Avec combien de personnes t'as couché? Non. Puis respectez le rythme de la personne. Pas besoin de la presser à le dire à qui que ce soit d'autre. Si elle vous le dit à vous, c'est déjà bien en masse. Non. Là, traînez pas votre nouvelle tapette comme un trophée, là, s'il vous plaît. Faites pas ça. Fait que. Là-dessus, on s'en va chercher un café au couche-tard avec notre foulard sur la tête, nos grosses lunettes de soleil à la Jackie Kennedy pour éviter de se faire pourchasser par les paparazzi qui nous scandent. Vous êtes-tu fif? Vous êtes-tu pas fif? Puis on vous revient. Over caféiné. Ça fait qu'on s'est pris des cafés vanille françaises, puis les médias s'en sont servis comme une preuve qui, elles, ont brandi au grand jour. Maintenant, tout le monde le sait, c'était sous le cover de tous les magazines. On mange la graine des cupides des bonus holes. OK, on niaise bien, mais fut un temps où les gens étaient outés de force pour vrai dans les médias. Oui. Autant aux États-Unis qu'au Québec, en fait, c'est ça qui est fou. Oui. Aux States, c'était des stars comme George Michael ou Tevin Campbell. À travers des scandales de cruising, en fait, c'est sorti que George Michael avait genre sucé de la graine dans des toilettes de club. Genre, incroyable. Who has never been there, though? Genre, same girl, same George. Genre, tu sais, voyons, là. Puis, mais c'est ça. C'est juste que, dans le temps, c'est un gros scandale de genre, oh, genre de outing. Puis, il avait dénié. Puis, ça avait été super compliqué en termes de campagne de PR. Puis sinon, puis ça c'était comme plus années 80-90 là aux States, mais encore récemment au Québec, autant Éric Salvaille, Who's Garbage, puis Joël Legendre, Who's Our King, ça leur est arrivé. OK, fait que Éric Salvaille, genre, c'est de l'hostie de merde de devoir parler de lui parce que, genre, il fait du harcèlement sexuel au travail, puis genre, he's trash. Ceci étant dit, son exemple est probant, puis c'est absolument juste pour ça qu'on en parle, c'est pas que on souhaite lui donner une quelconque visibilité que ce soit dans notre podcast. Non, mais la façon dont son coming out s'est passé, c'est un bon cas de figure. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais, c'est-à-dire qu'il en faisait allusion au Gala des Oliviers en 2016 en faisant attention de jamais le nommer, puis après ça, Martin Matt arrive au micro, puis il utilise ça pour puncher, puis faire comme hey, on a appris qu'Éric était gay, en tout cas, en ayant l'air de dire que tout le monde le savait, tu sais. Mais sans douter qu'il y a des raisons pourquoi il le disait pas, tu sais, puis qu'il laissait sous-entendu, tu sais. Et juste maintenant, on sait quelles étaient ses raisons. Tabarnak. alors que Joël Legendre, our king, notre préféré, cette icône, quand il a quitté TVA pour Radio-Can, c'est un journaliste du Journal de Montréal qui fait partie du groupe québécois dans lequel TVA est, qui s'est mis le nez dans ses litiges avec son ancien gérant pour finalement révéler que les deux étaient ensemble, puis que c'était pas juste des litiges de business, puis que c'était aussi personnel. C'est juste que comme fuck that shit, là, genre, c'est pas genre du hot goss de genre... faire sortir ça sur quelqu'un à un moment où il est justement en litige puis en rupture. Mais non. Joël Legendre l'a eu rough, là, en termes de genre gestion des médias puis de genre son identité sexuelle. Love her, pour vrai. Protect à la dette, all cost, là. Hashtag je suis Joël. Hashtag je suis Joël. Et aux États-Unis, là, ça n'était au point que. C'est drôle parce que quand Charlie et moi, on préparait l'épisode, j'étais comme, ah, moi, la pop culture, je connais pas grand-chose. Puis finalement, j'ai de quoi de super intéressant. Yes! Freddie Mercury, c'est comme. Fait outer plus qu'il s'est outé lui-même, même si c'est un personnage extrêmement extravagant et qui, évidemment, était très fab. Ce n'est au point où, encore à ce jour, personne ne sait où Freddie Mercury est enterré parce qu'il voulait justement pas se faire exhumer pour que les gens allaient faire des analyses, savoir s'il était s'il avait le VIH ou pas. Wow, bitch. Il n'y a personne en ce moment sur Terre qui sait où est-ce que Freddie Mercury est enterré, puis c'était voulu comme ça, genre. Il y a une personne qui le sait, puis c'est sa grande chum, là, je me rappelle plus de son nom, mais genre, c'est à ce point-là, là, le se faire hâter, puis se faire... Sacrement, girl. Se faire exhumer, se faire inhumer d'entre les morts. Mais là, maintenant, les artistes vont de plus en plus faire des coming out à travers leur art, comme ça, ils contrôlent leur narratif sans avoir à collaborer avec les médias qui pourraient les déposséder, justement, de leur manière de faire leur coming out. C'est vu avec Lil Nas X, avec Closure, qui est comme une toune sur son EP. Frank Ocean l'a fait aussi avec Channel Orange, puis a aussi comme mis un petit mot avec pour expliquer ce qu'il se disait dans les tunes. Tyler, the Creator, l'a fait avec Flower Boy aux États-Unis, mais au Québec, ben, tu sais, je veux dire, Xavier Dolan est arrivé avec J'ai tué ma mère, on s'est pas demandé ben longtemps si c'était une moune ou pas, là, je veux dire, c'est assez clair. Pierre Lapointe aussi l'a vraiment plus dit à travers sa musique. Safia Nolin aussi, je veux dire, lesbian breakup song, genre Get a Clue Girl. Mais un exemple de coming out qui a beaucoup fait jaser récemment, ce serait beaucoup plus Catherine Levac, en fait, qui elle aussi l'a fait à travers son art puis ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'il l'a laissé savoir à travers un numéro dans un festival juste pour rire. Puis je trouve que la manière dont son coming out a été reçu nous dit beaucoup sur le Québec actuel, en fait, parce que c'est un coming out qui a été beaucoup qualifié de... d'inspirant, de le fun, de différent, justement, parce que elle a juste dit qu'elle était avec une femme, tu sais. Puis là-dessus, tu sais, c'est-à-dire que c'est son coming up, c'est son processus, puis je suis vraiment pas en train de parler de, comme, je pense pas qu'elle aurait dû faire les choses différemment parce que c'est, ça lui appartient. T'sais. On est vraiment juste en train de parler de comment les médias ont traité ça, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que pourquoi cette histoire-là nous touche plus et nous fait plus du bien que Xavier Dolan, Pierre Lapointe ou Safia Nolin ou Ariane Moffat? Le feedback positif, c'est surtout qu'on aime pas, on aime ça qu'elle n'en fasse pas tout un plat. Parce que tu sais, nous autres, on la voyait comme hétérosexuelle au début. Parce que c'est ça aussi, tu sais, c'est que les autres... Elle n'a pas des plumes dans le cul! Oui, mais les autres, on les a tous déjà vus... on les a tous vus depuis le début de leur carrière comme homosexuels, genre gays, lesbiennes, tandis que Kat Levac, on ne savait pas, tu sais. Puis là, qu'elle nous l'annonce, mais sans en faire un plat. Puis c'est juste, c'est quoi en faire un plat? Vous pensez qu'elle allait faire une conférence de presse, calice? Genre, tu sais, je veux dire, c'est sa sexualité aussi, puis elle va le dire dans ce qu'elle fait, si elle trouve ça utile, puis si ça lui fait plaisir. Mais tu sais, je veux dire, Dans la catégorie en faire tout un plat, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Gender reveal party. Non, mais c'est ça, tu sais, les straights aussi. Manger de la merde. De leurs affaires. Puis, genre, elle doit pas en faire tout un plat, mais visiblement, selon la réponse que ça a eu, ben, il y a eu un impact, puis ça nous dit, ça en dit long sur l'attente, comme quoi il faut pas chercher l'attention avec, mais peu importe à quel point tu le fais doucement puis gentiment, ben, tu vas la recevoir anyways, l'attention. Fait que, oui, c'est comme, ça. Je trouve ça tellement weird. Puis, je trouve que encore là, ça lui appartient, tu sais, parce qu'elle, elle a fait un coming out à un moment où, genre, elle était pas très habituée à un langage queer, puis elle avait pas vraiment envie d'en parler, puis un peu comme Frank Ocean, puis d'autres gens étaient dans un truc de comme, ben, je veux pas m'étiqueter en termes de sexualité, puis ça, là, les médias aiment ça. Parce que ça menace pas les hétérosexuels, parce que t'es pas en train de dire un mot menaçant comme lesbienne, bisexuelle. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis je veux dire, je veux... Absolument ça pas reste critiquer. Dans la catégorie « c'est de mes affaires », fait que c'est correct. Oui, puis je veux absolument pas critiquer Catherine Levac là-dessus, parce que je veux dire, à un moment donné, je veux dire, c'est son cheminement par rapport à sa sexualité, puis on peut mettre des mots dans la bouche, puis c'est bien correct. C'est juste que à un moment donné, que les médias trippent tellement sur le fait que genre il n'y en a pas d'étiquette, puis là, on la met sur le cover de genre « c'est quel magazine déjà ?» Le cover de Elle Magazine où c'était comme oui c'est ça Elle Magazine, puis tu sais la quote c'est genre ensemble c'est tout, puis t'es juste comme ben oui mais tu sais genre ça revient à ce qu'on disait quand on a fait l'épisode je pense que c'est l'épisode dernier sur la monogamie, le polyamour et tout ça, que au lieu de dire sexe c'est sexe puis sauna est sauna, on va toujours dire love is love, on va mettre l'accent sur l'amour parce que l'amour oui, c'est donc beau, c'est donc cute. T'sais. Non, ça me gosse moi ces affaires là, c'est ça, là, faut mettre l'accent puis sur en même temps comme good for them. Moi je suis content qu'il y ait un couple de femmes sur le cover du Elle puis qu'on soit content genre anyway. C'est leur histoire. On est quand même content que ce soit passé pour eux autres. Bienvenue dans la grande famille queer à toutes ces personnes. Oui, c'est ça. Puis, mais comme je disais, tu sais, ça me fait plaisir de voir deux femmes sur le cover du Elle Magazine parce que c'est le fun. C'est parce que t'as des mother issues. Parce que j'ai des mother issues aussi. mais en même temps, tu sais, c'est vrai qu'il y a plein d'autres angles à aborder. T'sais, arrêtez de nous dire que juste parce que c'est l'amour, c'est beau. Tu sais, je veux dire, si elle faisait juste comme être des fuck friends puis fourrer comme des astuces données, genre à Twist Man, je serais content pour elle aussi, tu sais. Absolument. Absolument. Là, moi, je nous amène un peu ailleurs. Je prendrai pas deux heures là-dessus, vous allez comprendre le principe assez vite, mais tu sais. Ce petit bout-là pourrait s'appeler « Ma vie sur Grindr », ça serait à peu près la même affaire. Yes, bitch. Y a plusieurs types de coming out. On a beaucoup parlé des coming out liés à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle, mais il peut s'en ajouter plusieurs. Tu sais, comme moi, là, c'est sûr que sur Grindr, les gens savent que je suis gay. Savent-ils ou ils que je suis non-binaire? Je l'écris dans mon Grindr, le monde n'a pas l'air de comprendre ce que ça veut dire. Les gens lisent pas ben non plus les profils. Quand je leur dis que je suis non-binaire... Ah ouais, c'est ça, là. Ouh là là. Fait que là, ça, c'est une affaire. Là, après ça, un autre type de coming out que j'adore, que je dois faire, qui est... Hey, ça te tenterait-tu d'aller prendre une bière? Non, je bois pas. Puis là, il faut toujours que je me pose la question. Est-ce que je dis je bois pas ou est-ce que je dis je bois plus? Parce que là... Là, ça s'en va encore plus loin, là. Parce que là, moi, je t'ai envoyé un screenshot, je pense, cette semaine. Ouais. Que ça s'est passé sur Grindr. On m'a dit, je peux-tu savoir pourquoi? La réponse est non. T'es comme, sis, je peux-tu savoir pourquoi? Genre, tu sais, dans une conversation Grindr, super minimaliste, comme, can you share some trauma with me? Genre, oui, c'est ça, tu sais, bonjour, mon nom est... Mais là, c'est ça, tu sais, c'est... Puis j'ai comme quasiment pas le choix de le dire, là, parce que posez-vous la question, les Moons, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une date avec une personne pour la première fois sans consommer quoi que ce soit, là? Oh, girl. Hein? Puis là, je dis pas que je suis 100% ça, puis je consomme absolument rien, mais comme... Non, mais quand même... Beaucoup. Surtout de l'alcool, c'est très standard en termes de date, là. vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, comme, fait que faut tout le temps que je le dise. Puis même quand je dis je bois pas, les gens posent des questions. Fait que je dis tout le temps je bois plus. Puis encore là, tu sais, comme on dit au début de l'épisode, c'est parce que moi, je me sens outillé. Ouais. Mais aussi, tu sais, je bois plus, c'est bold parce qu'il y a quand même un truc de passé puis d'historique qui oui. est révélé dans le je bois plus, tu sais, alors que oui. je bois pas, ça pourrait être juste situationnel, ça pourrait être bien des affaires. Fait que, tu sais, c'est vrai que juste dans comment que tu le formules, ça rend ton expérience de coming out complètement différente, tu sais. Absolument, absolument. Puis tu sais, comme je bois pas, ça pourrait être compris comme les hosties de moi sans alcool, là. Hey, regarde, moi ça me fait du bien puis je me sens tellement bien après l'avoir fait, mais c'est sûr que je vais virer une brosse comme le premier du prochain mois, là. Ben c'est ça. Moi, je vous rappelle que la sobriété c'est ta vie, fait que ton mois sans alcool, comment je pourrais bien dire ça, je m'en calisse. Ah, c'est bien formulé, c'est bien ouais, formulé. Ouais, ouais. La poésie à mes oreilles. Puis là tu sais comme une autre affaire c'est vous le savez hein, grande bipolaire concierge et sobre, c'est moi ça. Si j'ai une date qui vient chez nous ou si je vais chez une date puis que je pense que je vais dormir là-bas ou que c'est possible, faut que j'amène mes médicaments puis faut que je les prenne. Fait que là, j'ai toujours le choix. Est-ce que je m'en vais me cacher dans la salle de bain puis je m'en vais les prendre sans que personne s'en rende compte? Ou est-ce que je les prends devant la personne? Nan, nan, nan, nan, nan. Et là, encore une fois, ah, c'est quoi tes médications? Ah, je suis bipolaire. Ah ouais, OK. Puis là, t'es... Fait que moi, là, des fois, là, dans les 20 premières phrases que j'échange sur Grindr, genre, j'ai expliqué ma vie, mes traumas, ma sobriété, les maladies mentales. Genre, il a fallu que je fasse le tour au complet, là. C'est pas nécessairement facile. Fait qu'imaginez, hein, on va se mettre intersectionnel, là. Imaginez, là, faut que tu fasses ton communiqué d'identité de genre. T'es une personne trans, t'es une personne non-binaire. Faut que tu dises au monde, ah, ben, en passant, je suis aussi bipolaire. Puis là, j'ai commencé à me faire traiter. Ah, puis en passant, je suis aussi sobre, j'ai arrêté de boire. Hey, à un moment donné, là, je peux-tu juste dire « you host »? Je peux-tu juste dire « you host » Give me a damn fucking break! Non, ah, je sais, c'est comme une série de portes puis de placards qui s'enchaînent, là. Tu sais, je veux dire, c'est oui, comme, c'est ça, c'est ça. Puis là, moi, m'amener. T'es juste pogné dans des portes tournantes où tu peux peut-être. Oui. Tu manques tout le temps à la sortie parce que là, il y a tout le temps un autre coming out à faire. Je veux un blowjob! Oh. Anyway. Anyway. Là. Bon. On va parler de la chose qui nous intéresse le plus. Ben oui, nous-mêmes. Nous autres. Ben. Toi, Charlie, ton coming out. Mais t'es coming out. Mais moi, c'est drôle parce que mon coming out, c'est quelque chose que les gens assument vraiment que, tu sais, parce que j'ai des mères lesbiennes, que ça a été plus facile. Ce qui n'est pas complètement faux parce que ça a rendu le travail de communiquer about it plus facile parce que veux pas ben ayant deux mères puis ayant personne pour incarner le patriarcat, mettre son poing sur la table puis affirmer sa masculinité toxique, ça fait que il y a beaucoup plus de conversations puis de compréhension entre moi puis mes parents. Ceci étant dit, tu sais, mes mères sont quand même des lesbiennes d'une autre génération qui viennent genre du Saguenay prolo, genre, tu sais, qui ont vraiment pas les mêmes référents. Puis pour elles, ben jusqu'à vraiment très récemment, leur mécanisme de défense pour survivre dans le monde hétérosexuel, c'était de se conformer, de pas choquer les gens, de vouloir être considéré normal. Puis de, tu sais, mes mums ont aussi un, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un nice flex de dire que j'ai des mères lesbiennes, là, mais tu sais, mes mères sont assez conventionnelles, puis c'est correct parce que c'est ça qu'elles sont, puis ça leur ressemble, puis je voudrais pas qu'elles soient autrement, tu sais. Mais c'est quand même des lesbiennes d'une autre génération, puis il y avait encore pas mal d'homophobie intériorisée parce que ce que le monde leur avait appris, c'était que plus elles se conformaient à l'idée de quelque chose de très normé, plus c'était acceptable pour elles d'être lesbiennes. Fait qu'elles ont eu peur pour moi dans une mesure où, genre, tu sais, au début, c'était pas nécessairement on veut pas que tu sois gay, c'était plus pour nous, ça a été difficile, puis souffrant, c'est pas ça qu'on voulait pour toi. On voudrait pas que ton expression de genre soit différente parce que les gens vont moins t'accepter. Oui. Tu sais, puis c'était plus des craintes, c'était plus du policing que du refus, tu sais. Puis ce qui a été cool pour moi, c'est que très tôt, quand j'ai commencé à être plus outillé pour avoir ces conversations-là. Ces conversations-là ont été possibles. Puis moi, j'ai eu des conversations en profondeur avec mes parents parce qu'ils étaient vraiment dans une posture d'écoute puis que c'était pas compliqué de les amener à comprendre parce que elles avaient vécu de l'homophobie, elles avaient vécu comme plein d'affaires elles-mêmes. Fait que de les amener à comprendre ce que moi, je vivais, ce qu'elles me faisaient vivre puis comment on pouvait comme en discuter autrement ensemble, ça a été un travail rough, mais en même temps, ça fait que là, maintenant, j'ai un lien de confiance avec mes parents qui est comme super beau puis que je leur partage vraiment plus de trucs sur ma vie puis que genre, je sens qu'elles ont appris puis qu'elles sont reconnaissantes aussi, tu sais. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose de tellement difficile d'avoir avec des parents hétéros. Peut-être avec, ou souvent avec nos mères, tu sais, parce que genre ta mère va plus comprendre, puis avec un père ça peut être plus difficile, puis il y a aussi des exceptions, mais tu sais, je considère pas que mon coming out, ben c'est-à-dire que oui, je considère que par rapport à bien du monde mon coming out est plus facile, mais je considère pas que c'est quelque chose de facile pour moi, mais je considère que le travail difficile de processer ça avec mes parents a été super productif, puis a vraiment amélioré ma relation avec elle en fait. Puis, moi, c'est ça que je voulais te demander, parce que tu dis, rapidement, j'ai été outillé. Uh-huh. Est-ce que tu n'as pas l'impression que... Parce que, je veux dire, c'est sûr que jeune, les gens étaient comme, « Ah, oh, t'as deux mamans, blablabla. » Est-ce que tu n'as pas, pas été rapidement mis dans une situation d'explication? OK, mais moi, c'est drôle parce que le truc d'expliquer que j'ai des mères lesbiennes, à un moment donné, j'ai compris que les gens étaient trop curieux about it, puis ça me gossait, fait que j'ai arrêté de le dire. Genre, j'ai okay, commencé ouais. à le dire seulement au cégep, mais avant ça, là, je le disais juste pas. Puis pour vrai, là, les gens, ils viennent chez vous, ils voient qu'il y a deux femmes dans la maison qui gèrent autant la maison puis qui font autant d'affaires, puis il y a personne qui va se dire, ben mon Dieu, deux femmes, des lesbiennes. Ils vont faire comme, ah, l'ami de la mère est là. Tu sais, t'es juste ouais. comme, puis ils savent même pas c'est laquelle la mère, puis ils sont comme, bah oui, tu sais, elle a une amie qui est là, qui est tout le temps là. Tu sais, t'es juste comme, c'est que les gens sont caves, tu sais, mais. C'est tellement ancré dans la tête que l'hétérosexualité est partout que les gens oui. pensent même pas que ça pourrait être un couple. Oui, c'est ça, tu sais, mais c'était drôle parce que ça faisait aussi des doubles coming out aussi ouais. au cégep de genre, moi je suis gay, puis mes mères sont lesbiennes, puis à un moment où j'étais moins outillé pour. Que quand les gens se disaient comme, mais t'es-tu gay parce que tes mères sont lesbiennes, qui est une question avec un undertone homophobe, genre assez évident de c'est correct d'être gay, mais faudrait pas que les gays fassent des gays. Ouais. ça, j'étais pas outillé pour répondre à ça, tu sais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Moi, vu que tu me poses la question, donc mon c'était tout out. Le temps qu'on avait pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux. Je retourne dans le placard. Si je retourne dans le placard. Ben ouais, il m'a barré à la porte. Alors, ben moi en plus, c'est genre il y a tellement de monde qui vont se reconnaître là-dedans. Moi j'ai eu le cas classique de on est en voiture, moi puis ma mom. Yes, dans le char. Dans le char, quand tu peux pas elle sortir. Elle peut pas sauver, elle peut juste le cracher. Ouais, ouais, ouais. Puis ma mère avait. En tout cas, je trouve que ma mère a à la fois mal et très bien géré la situation. Mais, bon, c'est ça, on est dans l'auto, ma mère est allée fouiller dans mon ordinateur pour savoir quel genre de porn je regardais. Puis, et je me rappelle, maintenant avec le recul... Jess, c'est quoi un prolapse? C'est pas ça que parce que je fais puis je crash ton histoire avec des jokes de prolapse, continue s'il te plaît. Non, non, non, c'est pas ça qu'elle m'a posé comme question, elle était comme, mon Dieu, il y a du monde dans tes vidéos, non mais... Fait que là, c'est ça. Fait que c'était super cool comment elle me l'a amené. Elle me pose la question. Elle dit, Jess, à combien de pourcents tu me fais confiance? Et là, moi, je suis Virgo. Hein? Fait que ma mère ou pas, j'y ai répondu 50%. Ah! Mais je pense que c'est correct quand t'es ado de faire confiance 50% à ta mère. T'sais, faut voir le verre à moitié plein, pas à moitié vide. T'sais. Tu lui fais quand oui. même 50% confiance. Puis... Moi, je voulais pas faire mon coming out parce que tout mon secondaire, je me suis fait bully parce que j'étais gros, puis j'étais comme, j'ai vraiment pas besoin d'un layer de plus pour me faire bully. Non, j'en ai assez, là. Et bon, par après, j'ai appris que m'affirmer et être fier de moi-même avait réglé l'essentiel de mes problèmes, mais bon, malheureusement, on le sait jamais pendant l'adolescence. Et, fait que là, c'est ça. Fait que moi, ma mère, elle m'a dit ça, puis ma réponse, ça a été, oui, je suis gay, t'en parles pas à personne, je vais mourir avec ce secret-là. Genre, je voulais tellement pas le dire. Puis finalement, ça a pris 2 semaines à l'école, puis j'ai fait comme « OK, tant qu'à être pogné dans cette situation-là, je vais commencer à le dire. » Puis je l'ai dit à ma famille comme 1 an après. Puis c'était vraiment drôle parce que c'était comme une conversation genre où on parlait d'un de mes cousins que son père est gay. Puis là, mes autres cousins-cousines étaient comme « Ah, je sais pas ce que je ferais. My God, que c'est bizarre. Non, non, non, non. » Puis là, j'ai juste « drop the bomb. » Puis j'étais comme « Qu'est-ce que vous feriez si moi, j'étais gay? » Oh my God, ça, c'est tellement comme classique, toi, being chaotic. Hein? Exactement au moment où les gens sont en train de dire ce qu'il faut pas, t'es comme « Oh ouais, bitch. Wow. Oh, ouais. Let me tell you about me. » Yeah, yeah, yeah, yeah. Et là, après ça, ben là, il y a eu beaucoup d'autres coming out. Tu sais, comme là, en ce moment, je suis pas mal dans mon coming out non-binaire. Ça se passe quand même assez bien parce que mes amis, tout ça, sont déjà habitués de m'entendre gueuler politiquement. Fait qu'ils étaient déjà pas mal all set. Ouais. J'en ai pas encore parlé avec ma famille de ça, par exemple. Je suis pas rendu là. C'est encore un work in progress. Et je suis comme... En tout cas, ça, c'est une affaire, là, mais moi, je me rappelle... Parce que tantôt, je disais, il y a très peu de place pour faire un coming out en questionnement. Ouais. Genre, faut soit que tu sois bi, soit que tu sois gay, soit que tu sois lesbienne, soit que tu sois une personne trans, mais comme il n'y a pas de place pour le... Tu sais, non-binaire, c'est comme too much. Là. Déjà, faut que tu annonces à tes parents que tu es une personne trans, ça va déjà être beaucoup, mais là, si t'es non-binaire, là, ils vont plus rien comprendre, ça va être l'enfer. Ouais, ouais, c'est ouais. un peu la même chose si t'es en questionnement, parce que moi, je me rappelle, tu sais... Je veux dire, comme ben du monde, genre, il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai commencé à me masturber, puis à l'époque, je pensais à des femmes. Puis ça allait très bien, là, j'avais pas de problème. Puis là, à un moment donné, j'ai pensé à un gars. Puis la biphobie étant ce qu'elle est, dès que j'ai pensé à un gars, j'avais pas l'option « je suis bisexuel ». Non. J'ai pensé à un gars, j'ai dit « ah ben, je suis gay ». I had gay thoughts, I'm gay. Puis, encore aujourd'hui, je pense que je me suis beaucoup formaté là-dedans. Ben, c'est parce que le truc, c'est que le désir, ça se construit aussi, tu sais. Fait que genre, ben tu oui. vas vers ce que tu connais, ce vers quoi t'es le plus expérimenté, ben oui. ce qui te conforte, ce qui, genre, tu sais, parce que tu... Il y a un truc d'aisance aussi avec tes désirs puis avec, genre, ce vers quoi tu vas, tu sais. Oui. Puis là, tu sais, en plus... Fait que là, tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'est revenu récemment. Puis là, tu sais, en plus d'être non-binaire, ben, c'est sûr que là, ma perception du genre, comme, était déjà très ouverte avant que je fasse mon commentaire de non-binaire, mais comme est encore plus... Finalement, c'est quoi un gars? Finalement, est-ce que je suis tant? Je me rends compte que je suis pas tant pro-masque ou pro-femme ou whatever. Je suis juste une slot. Yes! Dans l'ensemble, en tout cas. The only valid gender, slut. Voilà, voilà. Fait qu'en tout cas, sur ces belles histoires touchantes, on s'en va se verser notre dernière larme dans notre ultime café avant de vous retrouver pour la conclusion. C'était tout pour notre émission de cette semaine spéciale Pride 2020. Vous savez qu'il se passe rien, câlisse. Merci d'avoir été à l'écoute. Alors, dans le placard ou pas, vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2. Fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la Polyclaimers. Et le matin, tout en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Et si vous êtes sur le bord de faire votre coming out, écrivez-nous, on veut le savoir. Yes! Bye les moons! Bye les moons! À la semaine prochaine! À la semaine prochaine! Bonne fierté! Y'en a pas! Bonne pas de fierté! C'est ça! Bye les moons! Bye!